Oh, vous ne savez pas, vous, dit Lisbeth, vous ne savez pas ce que c'est que cette manigance-là. C'est le dernier coup qui tue. En ai-je reçu des meurtrissures à l'âme? Vous ignorez que depuis l'âge où l'on sent, j'ai été immolée à Adeline. On me donnait des coups et on lui faisait des caresses. J'allais mise comme un souillon et elle était vêtue comme une dame. Je piochais dans le jardin, j'épluchais des légumes, et elle, ses 10 doigts ne se remuaient que pour arranger des chiffons. Elle a épousé le baron. Elle est venue briller à la cour de l'empereur. Et je suis resté jusqu'en 1809 dans mon village, attendant un parti sortable, pendant 4 ans. Ils m'en ont tiré, mais pour me faire ouvrière et pour me proposer des employés, des capitaines qui ressemblaient à des portiers. J'ai eu pendant 26 ans tout leur reste. Et voilà que, comme dans l'Ancien Testament, le pauvre possède un seul agneau qui fait son bonheur, et le riche, qui a des troupeaux, envie la brebis du pauvre et la lui dérobe, sans le prévenir, sans la lui demander. Adeline me filoute mon bonheur. Adeline, Adeline, je te verrai dans la boue et plus bas que moi. Hortense, que j'aimais, m'a trompée. Le baron, non, cela n'est pas possible. Voyons, redites-moi les choses qui là-dedans peuvent être vraies. Calmez-vous, ma petite.